dans ce désert. Je vais chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je suis toujours plein d'espoir que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour être plus vendange. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans thank you.